foutu, c'est fatal. C'est écrit noir sur blanc dans son carnet en grand. J'ai plus d'élan vital. On n'a plus d'élan vital. Et le docteur l'a vu que c'était pas normal. Je me chauffe pas joli, paraît que c'est un manque de tonus général. De tonus général. Ça passera, ça passera, à ce qu'on dit. T'es parti, patati. Je déprime et patatras. Ça passera, à ce qu'on dit. T'es parti, patati. T'es parti et c'est tant pis pour toi. Les poubelles et les blancs, et tous mes chats m'attendent. Chocolat, chocolat, y'a que toi qui m'entends. Le chocolat, mes yeux ont fait des flaques au fond de mon assiette et même sur la moquette. Passer l'éponge et la raclette, mon lit est une gare et ma mémoire c'est l'océan à la nage. Tourne la page et le robinet. Ça passera, à ce qu'on dit. T'es parti, patati. Je déprime et patatras. Ça passera, à ce qu'on dit. T'es parti, patati. T'es parti.